Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4. Francis Gavel au micro. Longtemps je me suis couché de bonne heure, donc une première heure en compagnie de François Barche-Prieur, Gaël Rer, Alexis Huneau. On a parlé de Scorsese, on va laisser Scorsese un petit peu de côté, on va le laisser respirer, encaisser les coups. Et on va parler maintenant de cinéma d'animation. Alors on vient d'écouter un extrait de la BO justement d'Adama, Le Monde des Souffles, le film de Simon Rouboui. Alors cette BO, je suis très content de la passer parce que effectivement on la doit à un musicien très talentueux qui est Pablo Picot. Donc il faut le signaler aussi. Le film est donc en salle depuis le 21 octobre dernier. Alors je donne le synopsis, comme ça chacun saura un petit peu de quoi on parle, même si il dévoile quelques petites choses. Donc c'est l'histoire d'Adama, un garçon de 12 ans qui vit dans un village isolé d'Afrique du Nord, à l'abri du monde des souffles, sur lequel règnent les Nassara. C'est un paradis terrestre qui va être mis à mal par la disparition de Samba, le frère aîné d'Adama. Alors pour Adama, bravant tous les interdits, le plus important va être de partir à la recherche de Samba, loin, très loin de son village, et finir par débarquer en France au cours de l'une des pires périodes, je dirais, de son histoire contemporaine. Il y en a eu d'autres, malheureusement. La Première Guerre mondiale. Et c'est tranché. Alors j'aurais une question simple pour vous lancer. C'est un film donc qui mixe les cultures, les techniques d'animation aussi, avec une élaboration 3D à partir de sculptures, à partir de peintures. Alors j'ai envie de vous demander de quelle manière vous réagissez. J'ai envie de te lancer, toi Gaël, parce que tu as posté quand même sur Facebook, t'as mis quelque chose d'absolument incroyable. Pour toi, ça va être un des 10 films de ton année. C'est absolument. J'étais d'autant plus surpris que moi, très honnêtement, je suis pas très branché cinéma d'animation. C'est pas du tout un parti pris théorique ou quoi que ce soit. C'est juste, si on me dit, tiens, tu vas aller voir la projo de tel film d'animation, je suis pas, je piaffe pas d'impatience. Je me relève pas la nuit pour voir un film d'animation, clairement. Bon. Il y en a deux, trois comme ça, un Miyazaki, un Disney, machin, qui me reste en tête, mais je cours pas après. Donc bon. Je me suis dit, faut le voir, si tu veux, bon. Et j'ai été pris, mais alors, vraiment, j'ai été cueilli, mais vraiment sur tous les plans. C'est-à-dire que, esthétiquement, alors je sais qu'on n'est pas complètement d'accord avec François, mais alors là, vraiment, il y a vraiment une affaire de goût et tout. J'ai trouvé ça extrêmement original, très singulier. Justement une période où tous les trucs ça ressemble à beaucoup de choses sont un peu calquées sur Pixar, il y a les mêmes tronches, il y a les mêmes arrondis, il y a les mêmes machins, c'est ennuyeux à mort. Je retrouve pas des images que j'ai déjà vues 50 fois. À la fois les visages sont très expressifs et de façon assez naturel, assez réaliste dans les expressions, y a pas d'exagération dans les traits, et en même temps comme tu dis ils sont calqués sur des sculptures, donc il y a un côté comme ça un peu abstrait, stylisé. Il y a des décors qui sont vous verrez les couleurs, c'est des couleurs, il y a des ocres, des jaunes, des oranges, c'est absolument splendide, ce qui va renforcer d'autant plus le contraste avec quand on va s'enfoncer dans l'enfer. Alors évidemment, t'es obligé de le dire dans le synopsis pour donner un peu envie, et en même temps c'est quel dommage parce que moi je savais rien du film. Mm-hmm. Et alors là, t'es sidéré. Parce qu'au début, les Nassara, tu te dis, c'est une autre tribu. Et quand tu te dis, mais attends, on est à quelle époque ? Parce qu'en fait, on n'a pas de repère chronologique. Alors, on se retrouve sur le bateau. Puis alors, tu te dis, tiens, c'est quoi le chapeau rouge ? Mais attends, c'est le chapeau rouge de Banania. C'est les tirailleurs sénégalais. Et tu commences à tilter. Tu sais, t'es dans un truc genre film pour enfants. Et tu commences à dire, oh putain ! Et tu te rends compte que ça, c'est une histoire dont on ne parle jamais. C'est-à-dire que moi, je travaille avec des gamins, je vois très bien les programmes qu'ils ont. Terreur sénégalaise, personne ne connaît, si tu veux. Moi, j'ai jamais vu de film en prise de vue réelle, ou je sais pas quoi, qui parle de ça. Et là, tu pars du point de vue africain, du point de vue de la chair à canon. Tu commences, les gamins, ils plongent dans l'eau. C'est une espèce d'Éden, etc. Et après, on va se taper le gaz moutarde, etc. L'effet est mais extrêmement puissant, et c'est le film est court, mais alors c'est d'une densité. Et alors je m'inscris en fou. Alors il y a un papier immonde là dans Télérama Cécile Murray. Bon, alors je j'ai rien contre elle personnellement, mais enfin elle dit en gros en plus c'est une notule de 4 lignes en gros, qui trop embrasse mal étreint, en gros c'est ce qu'elle dit. C'est-à-dire que le mec comment ça s'appelle, Simon Rouboui, qui est mon avis, dont on n'a pas fini d'entendre parler, à mon avis, vu le talent du mec, soi-disant, bon, alors il voudrait parler de tellement de choses qu'en fait, il survole tout. Mais pas du tout. C'est-à-dire que c'est justement parce que il déclenche un travail d'imaginaire chez le spectateur que ça prend que c'est d'autant plus dense et d'autant plus. C'est-à-dire que tout est par petites touches. Tac, on voit un peu une infirmerie comme ça de fortune. On devine le champ de bataille, mais il y a un côté onirique. Et en plus, il y a un personnage de bouffon qui s'appelle Abdou, mais qui est génial. C'est rare, moi, je trouve, quand on s'attache à un personnage comme ça dans un film d'animation, autant que dans un film, tu vois, avec un acteur, un vrai acteur en chair et en os, etc. Et au fond, il y a un côté, de par ce bouffon et de par ce côté un peu onirique et quasiment abstrait sur la fin, un côté shakespearien. C'est-à-dire que par métaphore, par touche, par propos poétique, et ce personnage est vraiment porteur d'une langue extrêmement riche et comment dire, plein de paraboles, etc. Tu c'est à la fois un moment historique très précis dont on ne parle jamais, et à la fois il y a quelque chose d'universel. Je sais qu'il sera dans mon top 10 de la fin de l'année. Bon, alors je t'arrête tout de suite pour que tout le monde puisse un petit peu parler. On va un peu se condenser, mais je pouvais pas empêcher cette belle diatribe de ta part. Je vais tout de suite me tourner vers François, plus parce que effectivement tu m'as un petit peu parlé des réserves qui pouvaient être les tiennes sur le film. Alors le problème, c'est que si je parle que de mes réserves, ça va pas du tout donner l'impression générale. Parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé également, et je vais quand même juste rejoindre Gaël sur le. Je trouve que le mélange effectivement d'une narration qui veut s'emparer d'un fait historique et de l'onirisme dont tu parlais est très réussi, et c'est ça quand même qui fait vraiment la beauté du film. Voilà, juste. Tu as raison. Non, parce que c'est la seule chose moi qui m'a surprise, mais c'est parce que alors contrairement à toi, je vais voir alors un peu moins ces temps-ci, mais je vais voir beaucoup de films d'animation. Donc je suis avant tout, et je pense que c'est ma grande erreur, attaché à l'univers visuel, c'est-à-dire à ce que ça va rendre vraiment visuellement. Et là, j'ai eu un temps d'adaptation un peu long pour rentrer dans le film au début, notamment sur l'animation des personnages. Alors peut-être que certains ici peuvent m'apporter des précisions, ou le feront plus tard, ou l'ont déjà fait avant. J'ai trouvé que alors tout ce qui était décor, etc., lumière, ambiance, c'était absolument sublime. Mais j'ai eu un peu de mal j'étais un peu gêné par la manière dont les personnages se mouvaient au sein de ces décors. Quoi, j'ai trouvé qu'il y avait un mélange un peu étrange. Ça m'a fait penser un peu à des animations que je pouvais retrouver dans certains jeux vidéo. Un peu des années 90, notamment au début. Et encore, je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, quoi. Il y a des très bons jeux vidéo dans les années 90, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent, en tout cas immédiatement, à mon œil, voilà, entre la manière dont les personnages bougeaient et dans la manière dont ils interagissaient avec le décor. Mais j'ai cru comprendre qu'il y a des techniques très variées que tu vas peut-être redécrire, qui ont été employées, et que c'est peut-être la raison de cette chose-là. Mais passé la première demi-heure, une fois que j'ai été habitué, j'étais complètement embarqué par l'histoire, et je trouve que le rythme de narration est assez emballant. Enfin, voilà. Non, il faut des vrais spécialistes. Là, tous les regards se dirigent vers Alexis, qui va devoir synthétiser toutes ces choses en quelques instants. C'est un peu terrible. C'est très étonnant de mettre. Je te remercie de mettre dans cette position, puisque il y a cette idée de critique et on a parlé d'Adama juste dans l'émission avant. Et évidemment, je ne veux pas critique dans mon émission d'avant. C'était pas le but. Alors. C'est un auteur que moi j'ai suivi, Simon Roubi, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé son film de la CalArts, que je trouve très étonnant, enfin qui venait des Gobelins de la CalArts, et qui était pour moi une espèce de choc. C'est un personnage comme ça qui est assez étonnant dans le cinéma qu'il met en place. Et c'est vrai que, alors il y a un film qui s'appelle Yabon Lami de Rachid Bouchareb, qu'il a fait avant Indigène, qui parle aussi des tirailleurs sénégalais, mais de manière beaucoup plus politique. Voilà, on est dans cette idée aussi, ils se font tous massacrer en demandant de l'argent, qui est vraiment horrible visuellement, qui est fort parce qu'on n'avait pas entendu parler de ça et qui a une force. Et j'ai vu, moi, les 5-6 premières minutes du film et j'avais pas été emballé. Parce que je suis assez d'accord, c'est un style d'animation qui, moi, m'emballe pas. Mais c'est comme ça. En court-métrage, on en a, hein, y a plein de choses, etc. Et justement, c'est là où, pour moi, le film réussit. C'est que, pareil, c'est-à-dire que après avoir vu 5-6 premières minutes, je me suis dit, oh là là, je suis pas sûr du film. Et en fait, je trouve que c'est l'une des grandes réussites du film, c'est le rythme qu'il apporte, c'est le scénario. Et ça, c'est fort, parce que finalement, on en oublie, et que même la scène, moi, de bataille ou malo, alors ça, c'est une problématique en animation, c'est vrai qu'on met beaucoup, c'est pour ça que je me parlais pas trop technique, où je savais comment ça avait été fait, où j'avais vu plusieurs making-of, et je savais exactement. Et ben, j'étais ravi, parce qu'à la fin, je rentre sur ce champ de bataille, et j'en ai oublié quelque part la technique qui est mise derrière. Et ça, pour moi, c'est la grande force du film. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont en couleur, mais dans le bon sens du terme. Le bouffon, évidemment, est absolument incroyable. Et surtout, c'est un cinéma en petites touches. C'est-à-dire qu'en effet, à aucun moment donné, on veut dire attention, c'est 1914, c'est ça. Attention, c'est horrible. On va nous dire c'est la boucherie, mais on va pas voir. Attention, les blancs, c'est les mauvais, ou les Africains, ça serait si ou non. On a un monde enfin complexe. Il y a des traditions qui obligent les gens à rester dans un certain style. Il y a un côté un peu fantastique. On racontera pas la fin, mais et que moi je veux bien accepter. Ouais. C'est-à-dire que d'un seul coup, à la fin, on arrive et on fait OK, je veux bien. Ça me dérange pas, c'est pas grave. C'est alors que normalement on pourrait dire oh mais pourquoi, je comprends pas. Il aurait dû non, c'est pas grave. Et ça c'est quand même fort pour un long métrage d'animation. Moi qui râle souvent sur le scénario, qui dit ok visuellement c'est super beau, j'ai rien à dire. Putain, qu'est-ce qu'il pourrait nous faire? Il pourrait nous faire autre chose et tout. Moi, je trouve ça fort. Et en effet, de m'embarquer avec un petit garçon qui est pas de mon âge, qui m'intéresse pas, enfin, où sa problématique à la base m'intéresse pas, et réussir quand même à m'emporter dans l'histoire. C'est quand même une belle réussite, c'est plutôt agréable d'un seul coup de pouvoir se dire, nous qui sommes un peu spécialistes entre guillemets, ok, mais on va dire, ah, attends, c'est un film, et je suis content d'entendre ça, qui déborde justement le côté purement de l'animation, quoi. Bon, bah alors, on va laisser les spectateurs, alors il faut se dépêcher, hein, t'en parlais tout à l'heure dans l'émission, dans Bulle de rêve, donc les problèmes de la distribution, de l'exploitation, là, on n'a pas trop de temps pour l'instant revenir dessus. Je pourrais juste dire une petite chose. Mais juste une... Non, parce que c'est rare, les voix sont super bien, ouais. Et on va le voir après. Alors, on pourra faire le parallèle. Ça, après, ouais. Non, mais c'est agréable parce que les voix des fois sont tellement. Par exemple, Phantom Boy, qui est un film que j'aime bien, mais il y a plein de voix qui je trouve fonctionnent pas. Et là, les voix, je me suis pas posé des questions en me disant oh, c'est qui? Oh, c'est pas bien. Oh, elles sont. Voilà, il y a une vraie belle direction d'acteur en plus. C'est quand même agréable. Alors, on va revenir sur tout ça puisque avec le deuxième film dont on va parler. Je rappelle juste, donc, comme tu le disais, que les problèmes de distribution, d'exploitation, que le film risque malheureusement de sortir assez rapidement du circuit. Donc il faut le soutenir, il faut le porter. Il est en salle, faut y aller aux horaires qui sont proposés, hein, quel qu'il soit. Je signale aussi, parce que c'est important, quand il y a des jolies déclinaisons, il faut le dire, chez Actes Sud Junior, une histoire graphique, hein, donc Adama, le Monde des Souffles, de Julien Littli et Simon Roubi, c'est-à-dire qu'on a à la fois un récit du film et puis aussi des illustrations, alors qui sont soit des images du film, soit des esquisses préparatoires en noir et blanc, et que ça vaut aussi vraiment la peine de le découvrir et de découvrir les deux en parallèle. Tout de suite, j'envoie la musique du deuxième film pour qu'on avance. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4, Francis Gavel au micro, longtemps je me suis couché de bonheur, numéro de téléphone de notre studio 01 43 71 89 40, toujours cette première heure d'émission. Alexis cherche à toucher à des choses qui ne sont pas pour lui. C'est un livre. On parle de cinéma d'animation, alors là je vais faire le truc qui va faire bondir. Non mais on parle de cinéma d'animation, donc c'est forcément pour les enfants, donc on va pas parler de choses comme ça. On va continuer notre table ronde, on vient d'écouter là encore pour introduire le film, eh bien un extrait de la musique du film, cette fois qu'on doit à un autre compositeur dont j'avais déjà parlé dans mon émission du mois de septembre, l'émission de rentrée, le compositeur de la musique d'Avril et le monde truqué, donc un film de Christian Démare et Franck Ekinci, le compositeur, donc c'est Valentin Hadjadj. Moi là je suis aussi content de montrer peut-être que comme ça il y a des noms nouveaux qui arrivent aussi à d'autres postes, hein, et notamment dans ce fameux poste qui est la composition de musique, et que ce soit pour le cinéma d'animation ou le truc là qu'on fait en temps réel en même temps que enfin, l'autre cinéma, le quoi, celui important. Donc on est en train de parler d'Avril et le monde truqué, l'air de rien, qui est donc en salle à partir du 4 octobre. Alors, l'esthétique du film, elle se base donc sur une création originale de Jacques Tardy, qui, je le rappelle, est entre autres l'auteur et non pas l'odeur d'Adèle Blanc-Sec, pardon, Jacques Tardy. Il ne sera pas ici question de la Grande Guerre, sur laquelle Tardy porte régulièrement son regard indigné, mais d'une France dans laquelle ni la guerre de 1870, ni la Commune de Paris, ni la Première, ni la Seconde Guerre mondiale n'ont eu lieu. Et donc, dans cette France Uchronique de 1941. Alors Uchronique, je rappelle, c'est un principe narratif qui réécrit l'histoire à partir de la modification d'un événement passé. Ici, la mort de Napoléon III, la veille de la guerre contre la Prusse. Donc dans cette Uchronie, eh bien, vont se dérouler les aventures rocambolesques d'une jeune fille, Avril, et de son chat qui parle Darwin, parti à la recherche des parents d'Avril, la susnommée, pour faire plaisir à Alexis, scientifique mystérieusement disparu. Alors, là, un film au casting de stars, un casting voix de stars. Marion Cotillard, qui est cette année trois fois à l'affiche de films d'animation. Les Mignons, Avril et le monde truqué, Le Petit Prince, elle en redemande la bougresse. Philippe pas Catherine, bon, hein. Jean Rochefort, ou Woody Allen. Tu pourras t'exprimer ensuite. Et alors, un récit qui croise le roman d'aventure scientifique à la Jules Verne et le pamphlet, quand même, un brin libertaire. Alors, est-ce que ce monde truqué obtient votre assentiment? Et là, je me tourne vers François. Alors, oui, ce monde truqué obtient mon assentiment. Je trouve, alors pour le coup, là, visuellement, là, je suis plus dans, moi, je suis un amateur des dessins de Tardy à la base, donc je trouve que l'univers là est très, enfin, a une cohérence graphique assez grande, que ce soit justement entre les personnages, les décors, etc. La narration est pas tellement, enfin c'est assez linéaire, mais enfin bon, enfin disons que c'est un bon, voilà. Je bafoue. On a envie d'y aller là. Non mais ça m'a surtout plu parce que ça, c'est un film qui développe un imaginaire, voilà, qui me plaît beaucoup, sur effectivement qu'on pourrait rapprocher un peu d'un Miyazaki. D'ailleurs il y a un château, ouais, ambulant à un moment, enfin voilà, ça, ça spoile rien, mais donc il y a beaucoup de trouvailles, il y a un soin qui a apporté à dessiner toute une sorte de, enfin tout un bestiaire mécanique, on va dire, assez important. Et puis il y a un mélange entre une civilisation à la fois très en noir et blanc, enfin un truc très gris où en fait tout le monde se chauffe au mazout, donc tout le monde a les poumons encrassés, enfin ce qui est pas si loin de la réalité finalement. Et puis à la fin, une espèce de dernière partie dans une sorte de jungle assez incroyable. Donc je trouve que c'est un film qui nous fait pour le coup, enfin visuellement et intellectuellement beaucoup voyager. Donc moi ça me plaît pour ça. Enfin c'est vraiment un plaisir très. Je vais pas employer le mot d'enfant parce que je vais me faire tuer de mais par, non, au moins quatre regards ici. Non mais c'est un plaisir vraiment immédiat, voilà, plutôt dire ça comme ça. Et pour toi alors, Gaël? Je suis moins emballé. J'aime beaucoup Tardy, dessinateur, hein, mais alors c'est une affaire de goût. Personnellement, je trouve que le type de trait, les traits du visage que typique de Tardy se prête pas vraiment à l'animation. C'est-à-dire, je trouve que les expressions sont pas très intéressantes. C'est très, comment dire, il y a un côté grossier dans les expressions de visage, moi, qui me plaît pas. Je suis pas fou de ce trait-là qui bouge. Voilà. Bon. Et puis l'histoire, très honnêtement, je trouve pas très intéressante. C'est-à-dire que oui, alors bon, le truc uchronique et tout, mais je dis mais alors ça va où ce truc-là? De mon point de vue, ça va nulle part. C'est-à-dire que je ne comprends pas de quoi il parle. Il y a des aventures, etc. Mais Tardy, on a l'habitude que ça soit tout le temps genre porteur de sens ou d'histoire, etc. Alors là, je veux bien que ça soit effectivement un côté un peu science-fiction, un peu Jules Verne, un peu etc. Et à la fin, je dis tout ça pour ça. C'est-à-dire que je vois pas bien au final ce que ça raconte, quoi. Ça m'a vraiment pas emballé. Bon, même si à côté, il y a un côté, c'est fastueux visuellement, ça flatte la pupille, il n'y a pas de problème, hein, puis on s'ennuie pas du tout, et puis il y a des très très bons acteurs. Je suis pas foufou de toutes les voix, mais enfin, il y a des très très bons acteurs et tout. Mais globalement, je me sens pas rempli, je vois pas très bien ce que ça me dit au final, quoi. Alors, juste avant de donner la parole à Alexis, pour préciser, bah, effectivement, peut-être deux mots par rapport au film que j'ai pas dit. C'est le film, donc, qui a obtenu au Festival d'Annecy cette année, donc, le cristal du long métrage, hein. Donc, effectivement, ça fait partie comme ça de la série, là, des films français d'animation qu'on attend. Alors, pour toi, Alexis. Alors, on va parler de deux choses différentes. Il y a la direction artistique. Alors moi j'aime beaucoup, j'avoue, j'aime beaucoup Tardy. Je trouve que Christian Desmarais, je sais pas comment on prononce, et Luciano Lepinet de Tchac ont fait un boulot incroyable. Je trouve que ça marche bien. Souvent c'est bousillé, c'est-à-dire qu'on prend un dessinateur, on met ça en animation et c'est bousillé. Là je trouve que l'acting est plutôt intéressant parce qu'il s'en fait pas trop. On n'a pas des grands mouvements, on cherche pas à être réaliste et ça garde ça. Je trouve ça vraiment ça. Moi je trouve le film très beau dans un autre style. Enfin voilà, avec Adama, Fantôme, on a des films très très beaux, mais dans le bon sens du terme, pas juste esthétiquement beau pour faire joli. Voilà, il y a une vraie force, je trouve. Il y a un personnage qui est un peu plus adulte. J'aime bien ça aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans les problématiques enfantins qu'on peut souvent avoir dans les films. Donc ça, j'aime bien. Le film prend son temps, moins que la force d'Adama, moins qu'Adama, mais prend son temps. Pareil, on est dans un fantastique assez plausible. Après tout, le chat qui parle, on l'accepte. C'est bien, c'est scientifique. Et moi, j'aime bien tout ça. Je trouve qu'il y a un côté complexe aussi. Dans la mer. Je dis pas trop, pardon, excusez-moi, j'ai failli dire un spoiler, mais je trouve qu'il y a un côté complexe, on n'est pas non plus dans le manichéen total. Donc ça, c'est vraiment intéressant, les voix sont vraiment bien, j'ai eu du mal avec la voix du chat de Philippe Catherine. Oui, moi aussi. J'ai revu le film, je la trouve plus intéressante la deuxième fois, une fois qu'on a passé ça. Et donc ça paraît être bien, et en fait, les deux tiers du film fonctionnent super bien, et après il y a cette mauvaise idée, je ne dirai pas laquelle de fin, et d'un seul coup on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Faudrait que Benjamin Legrand, faudrait qu'on nous explique pourquoi il y a le dernier tiers du film qui est n'importe quoi. Je suis complètement d'accord, j'aurais aimé avoir Tardy d'un seul coup. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? Deux tiers sublimes, enfin, moi que je trouve vraiment de haute qualité, film d'action étonnant, je suis complètement dedans. Et le tiers final, le stylo m'en tombe. Alors, justement, donc, tu désignes depuis tout à l'heure, et je vais le signaler à nos auditeurs, un livre, hein, donc, chez Casterman, qui est l'histoire d'un monde truqué. De Jacques Tardy et Benjamin Legrand. On précise que Benjamin Legrand est le scénariste du film. Alors qui reprend tous les travaux préparatoires, l'ensemble des travaux préparatoires. On est surpris parce qu'il y a un début de storyboard qui d'un seul coup s'arrête, mais effectivement Tardy s'est arrêté, quoi. Donc il y a les recherches sur les personnages, sur les décors, ce storyboard, et il y a un texte d'introduction de Benjamin Legrand qui là est un texte assez libre. On n'est pas dans un dossier de presse, hein, où le texte va être calibré. Il raconte un petit peu la naissance du projet. Au point de départ, on doit être sur un projet puisque c'est Tardy sur la Grande Guerre, qui a abandonné. Et puis, Benjamin Legrand réfléchit, on arrive sur ce projet qui va donner ce monde truqué, un projet steampunk, comme dit Benjamin Legrand. Et on se rend compte, en lisant ce texte, qu'au point de départ, il y a une idée. C'est pour ça, peut-être, la dimension roman-feuilleton à la Eugène Sue, feuilletoniste du 19e siècle, qui tire à la ligne, qui publie semaine après semaine, voire jour après jour. Et bien, au départ, on est sur un projet de série. Et d'un seul coup, rencontre avec Je suis bien content, donc les producteurs du film, peut-être qu'on va ramasser tout ça pour peut-être qu'on est sur un potentiel en fait de long métrage plus que de série. Est-ce que l'univers de Tardy ça a peut-être mieux au long métrage qu'à la série? Ça, c'est des questions comme ça qui ont dû se poser au moment de la production, et de dire à ce moment-là, bah voilà, tout ce qui a été développé, comment le faire entrer finalement. Et c'est intéressant que tu dis ça, mais ça je le découvre en lisant ce texte, et ce bouquin chez Casterman est absolument passionnant. À cause de ça aussi, c'est que d'un seul coup, on a un petit peu tous les déboires finalement, et puis tout l'enthousiasme évidemment aussi, hein, de la création du film, quoi. C'est, juste parce que je voudrais pas, c'est un beau film, et je pense que ce dernier tiers peut, alors là, plus plaire, on va dire les mots, aux enfants. Il y a un côté un peu rocambolesque, action, etc. Et là, d'un seul coup, moi, en tant qu'adulte, en tout cas, je suis perdu. Voilà, c'est ça mon problème. Mais je suis persuadé que les enfants, j'en ai parlé, se retrouvent plus dans cette fin. Il y a quand même une espèce de truc sous texte politique. Pendant le film, on s'attend à ce que ça débouche sur quelque chose, et ça finit effectivement, c'est quasiment Goldorak. Enfin, c'est bon. On a c'est méchant pour adulte. Non, voilà. Non, si, on c'est méchant de dire ça, c'est quand même hyper beau, mais bon, voilà. Mais voilà. Ouais. Oui, bah, c'est pour ça que je disais qu'il y a une partie de pamphlet libertaire et qui peut-être se court-circuite en cours de route. Et c'est ça aussi. Alors, on a un accord de Thomas Fouet qui arrive là pour la deuxième émission, de déborder un tout petit poil. Moi, j'avais fait cette émission parce que j'étais face à un dilemme. Je me disais, est-ce qu'il n'y a pas un déficit critique, de pensée critique sur le cinéma d'animation, alors qui peut être parfois très très sympathique, très presque paternaliste, puisque finalement on est dans le cinéma pour enfants, presque paternaliste, ou à contrario, alors très condescendant. Pourquoi ? Parce que finalement, le cinéma d'animation, le long métrage en tout cas, ce n'est que du cinéma pour enfants, ou en tout cas familial. J'ai envie de dire que ce soir, en ayant confronté comme ça les parcours de critiques qui sont les vôtres, entre, on va dire, spécialistes de l'animation, gens qui ont comme ça une vision globale des sorties cinéma, que finalement ce déficit critique, en fait, il demande juste qu'à être bousculé, parce qu'il peut exister si on s'en donne la peine. Par exemple, Le Masque et la Plume, finalement, on apprend de la bouche de Michel Simon qu'on traite rarement l'animation parce que les critiques du Masque et la Plume ne savent pas comment l'envisager. C'est un peu dommage. C'est ce moment-là, on ne traite pas le documentaire non plus. Enfin, je sais pas, c'est un argument. C'est un autre débat quoi. Aussi. Vraiment, en tant que non-spécialiste absolu, candide, béotien, profane en matière de cinéma d'animation, moi, je sais que j'ai un truc qui me bloque avec le cinéma d'animation, c'est qu'une des choses qui me passionne le plus au cinéma, c'est ce qui échappe. C'est-à-dire ce qui échappe au metteur en scène, à l'acteur, etc. C'est le danger, c'est l'imprévu, etc. Et dans un cinéma d'animation, j'ai l'impression que tout est contrôlé de A à Z. C'est le sentiment que j'ai. Il y a pas le crayon qui ripe. Je suis désolé, on gomme, on refait, etc. Pour moi, il y a quelque chose qui m'emballe moins dans le cinéma d'animation, qui fait. Moi, il y a un truc dans le jeu d'acteur, Moi, je suis tout à fait, tout à fait d'accord avec Gaël. C'est ce que j'ai, le fait de pouvoir dessiner et donc imaginer les faux mouvements de caméra qu'on veut, c'est-à-dire se dire si j'ai envie de zoomer ou de me rapprocher de tel personnage, effectivement, j'ai pas à faire 15 fois la prise. Il suffit que je le dessine correctement. Je dis pas que c'est facile du tout, mais en tout cas, il y a effectivement un côté maîtrisé. Donc, il y a ni dans le jeu des comédiens ni dans les cadrages d'erreurs potentielles ou de surprises, en tout cas, au tournage, puisqu'il n'y a pas de tournage en fait. Et l'autre chose que j'avais, si j'ai encore une minute, je sais pas. Ce que je m'étais peut-être, j'avais cherché aussi à comprendre pourquoi j'arrivais jamais à. D'ailleurs, vous l'avez vu tout à l'heure. À trouver mes mots pour décrire mon plaisir, parce que je prends énormément de plaisir à voir beaucoup de films d'animation, mais en tout cas, pourquoi j'arrivais pas à l'analyser, en tout cas avec les mêmes armes que le cinéma classique. Et je me suis demandé, mais c'est une piste, hein. Si c'était pas justement parce que dans le cinéma d'animation, le défi majeur, je pense, pour le graphiste ou le, il y a le scénario, ça on peut dire qu'en termes de scénario, on pourrait faire des parallèles clairs. On l'a fait pour Adama, etc. Mais je pense que pour le dessinateur, le graphiste, le défi visuel est tel qu'il l'emporte un peu sur potentiellement les autres aspects de mise en scène qu'on trouverait dans un vrai film. C'est-à-dire que il y a un tel, si on prend Miyazaki ou Tardila, une telle envie, et c'est bien naturel, quoi, de composer ses lumières, de faire découvrir toutes les créatures qu'on a imaginées, de faire comprendre, de rendre lisible le fait que telle machine se mette en marche comme ça avec avec 30 rouages, etc. Que en fait ça force presque le cadrage entre guillemets à suivre une sorte de description de l'univers qu'on veut faire découvrir. Est-ce que tu m'expliquais justement qui peut être intéressant et il a plus une piste avant l'émission quand tu es arrivé, c'est que t'as un blog qui s'appelle Le Bon Plan où tu décortiques par des choix techniques finalement ce que peut être un bon ou un mauvais film. Tu n'arrives pas à faire cette même démarche sur du cinéma d'animation. J'ai toujours échoué jusqu'à présent. Le forum des images me propose régulièrement de faire ça sur des films d'animation et j'ai eu beau en revoir. Alors j'ai trouvé quelque chose sur Frankenweenie parce que il y a quelques cinéastes qui font un peu l'aller-retour, Wes Anderson ou Tim Burton, peut-être du coup une notion par les storyboards et tout, enfin ils arrivent à faire des films d'animation plus proches de ce qu'ils feraient avec une vraie caméra, je sais pas, mais sinon dans l'ensemble c'est un échec total effectivement. il va falloir que tu t'y colles, mais je vais, voilà, c'est un défi qui est relevé ce soir. Merci Francis pour ça, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, c'est absolument passionnant en fait ce qui vient d'être dit, en fait c'est presque le début de ta prochaine émission. Non mais oui, vraiment, qui pourrait être passionnant, parce que en effet il y a du tournage. C'est drôle que tu parles de Frankenweenie puisque c'est du volume, et donc en effet souvent les animateurs disent par exemple en volume, donc tout ce qui est marionnette, que des fois ça leur échappe et que d'un seul coup un cadrage va être complètement différent parce que le personnage va pouvoir faire tel mouvement et que ça va lui échapper. Donc je pense qu'il y a ça, je pense que dans le court métrage beaucoup plus que dans le long métrage, et c'est vrai que je compare souvent l'animation à un iceberg. Le long métrage c'est rien. Pour nous, c'est strictement rien. C'est la toute petite partie. Il y a un peu la série, mais c'est le court métrage où toute l'inventivité, déjà on en a parlé, comme Simon Roubi, viennent du court métrage et maintenant peuvent le faire dans le long métrage grâce à des aides, et parce qu'on les aide pour leur faire ça. Mais donc ça c'est intéressant. Donc il y a un tournage. On peut, bien évidemment, il n'y a pas suffisamment parce que il y a une question de prix. Quand vous faites un film en effet qui vaut de toute façon 3-4 millions, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez 400 000 entrées à peu près, des choses comme ça. Et donc forcément, on essaie de faire attention à ne pas trop libérer. Je dis toujours, quand vous regardez Le Jour des Corneilles, qui est un livre assez dur, quand on le fait pour enfants, on édulcore tout pour dire on sait jamais, parce qu'on a peur de perdre trop d'argent. Donc ça c'est vraiment, il y a plein de mises en scène. C'est vrai qu'on a un problème en animation, c'est que les jeunes sont souvent dans des écoles où on leur apprend à tout faire. On leur dit pas tu vas faire de la mise en scène, tu vas faire du scénario, on leur apprend à tout faire. Il faut qu'ils fassent le décor, quasiment les voix, quasiment tout, il y a que la musique qui ne font pas. Donc on n'a pas malheureusement des gens qui disent non, moi je fais que la mise en scène, tu vas faire mon décor, toi tu vas faire ce qu'on en a en prise de vue réelle. Combien de gens font tout et font même leur décor, s'ils font déjà des voix, c'est voilà. Donc ça c'est une vraie problématique du monde de l'anime. Il y a un autre problème par contre, ça c'est vrai, c'est que je reste persuadé alors ça c'est compliqué, c'est l'analyse film, il convient à très loin, c'est qu'en effet de toute façon un travelling ne veut pas dire la même chose chez Ossaussienne ou chez Scorsese ou dans trucs. Je trouve qu'on a une facilité à tout mettre en même temps. Donc en effet l'animation c'est complexe aussi chez un Miyazaki. Est-ce qu'on peut dire la même chose qu'un Pixar? Loin de là, c'est pas du tout le même cinéma, même si John Lasseter veut absolument mettre Miyazaki, parce que ça lui fait du bien, dans le même truc, mais c'est pas possible. Donc ça, c'est complexe. Et qu'est-ce qui nous manque en animation? Et je finirai là-dessus, parce que sinon on peut passer des heures, et voilà. C'est évidemment l'histoire. C'est ça notre problématique, c'est que c'est vrai que d'un seul coup, pour juger aussi un film, d'un seul coup, on peut se dire, tiens, Scorsese, tiens, on va parler de Michael Powell, tiens, on va parler de ceci, on va parler de choses. En animation Les influences. On a besoin de ça. C'est-à-dire que c'est bien de pouvoir dire, ah oui, mais Miyazaki, il a été influencé par la Bergère de Ramoneur, même pas le Roi et l'Oiseau, la Bergère de Ramoneur de Grimaud dans les années 50 et non pas. Et ça, c'est nous aussi. C'est-à-dire qu'on doit faire des papiers aussi, on doit dire d'un seul coup, on doit parler de ça et on doit mettre en place ce côté historique. Moi, et je finirai là-dessus, quand j'avais 20 ans, j'ai vu Citizen Kane, j'ai vu Alexandre Nevsky, j'ai vu tout ça parce que j'étais à Paris 8 et il fallait que je voie tout ça. Moi, mes étudiants en animation, ils voient pas tout ça, et ça serait bien aussi que tout le monde voit en effet, et le Roi et l'Oiseau, et un Miyazaki, et un Pixar, un Disney, et puis plein d'autres choses. Bon, bah, je vous remercie tous les trois hein, de cette première heure. On a un peu débordé, mais j'avais l'autorisation de Thomas pour qu'on le fasse un tout petit peu. Donc.